Namasté. J'ai une nouvelle question. Coucou Nadia. Coucou. Désolé. Décidément, sujet, c'est que les enfants. Alors, je voudrais savoir si elles ont le droit de tout faire et pas écouter quand on sait que ce n'est pas ce qu'ils ont vraiment du genre. Insulte, faire ou pas ce qu'elles veulent. Par rapport à comment élever des enfants, comment faire les choses dans la vie, d'avoir des stratégies, c'est à propos de connaissances. Puis c'est pas ce à quoi, ce sur quoi je porte mon attention. Pour moi, c'est de découvrir en soi l'espace qui n'est pas affecté par comment les choses évoluent dans ta vie. Et en résidant, en demeurant dans notre réel soi, tout va s'harmoniser dans notre vie. Dans le sens que même s'il y a des conflits par rapport avec les enfants, ça va se faire de façon beaucoup plus fluide et ça ne va pas laisser de résidus en soi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Quand je dis que tout est... Il n'y a rien... tout est spontané, il n'y a rien de pas correct. Ça ne veut pas dire que, en tant que rôle de mère, tu n'as pas ton mot à dire. Naturellement, tu vas constater, plus que tu viens observateur, que tu n'as pas besoin d'être impliqué dans quoi que ce soit, que les choix se font sans que tu sois celle qui choisit la manière dont tu t'adresses à tes enfants se fait de façon spontanée. Non, elles n'ont pas le droit de tout faire et je veux dire, ça dépend de c'est quoi ton approche, c'est comment tu élèves tes enfants. Mais pour moi, j'ai pas d'enfants, mais la façon que j'ai été élevé, mes parents étaient stricts, j'ai l'impression qu'il y aurait cet élément-là sûrement. Mais c'est pas, je sais pas en fait. À chaque moment, c'est frais et puis ce qui doit se dérouler, se déroule. Je peux avoir des idées un peu en fonction de comment les choses se sont faites dans mon passé, mais je peux être strict. Je veux dire, je pense qu'en tant que parent, c'est une bonne chose de montrer un bon exemple. Et puis d'être ferme, des fois, ça peut être très bon. Mais ça va dépendre de l'enfant. Ça va dépendre du contexte. Il y a tellement de choses qui sont qui font partie de l'équation. C'est l'anarchie chez moi et elles me disent « On fait notre expérience comme je leur disais souvent. » Ouais, les enfants sont très intelligents. Ils utilisent des choses qu'on dit pour à leur fin. Moi, j'ai aucune histoire par rapport à l'anarchie chez moi. Peut-être c'est peut-être exactement ce que tu as besoin de vivre. En fait, chaque moment, comment ça se dévoile, c'est exactement comment ça devrait être. Puis des fois, cette souffrance-là, c'est parfait parce que ça nous amène à trouver notre réelle essence. Vois ça comme un cadeau. Je sais que ce que nous sommes ne dépend pas du tout de la manière humaine, du comment et du pourquoi des choses, mais je suis perdu pour gérer cela. Tu es perdu pour gérer cela. Parfait, c'est un sentiment qui est là. Sois observatrice de ce sentiment. Donne-lui ta pleine attention. Essaye pas de l'éviter. Ta réelle essence ne peut pas être perdue. Et n'a pas besoin de stratégie pour gérer quoi que ce soit. La situation va faire surgir en toi les choix nécessaires. Fais-toi confiance. Toutes les ressources sont en toi. Ça me bouffe. Ouais, c'est pas difficile, c'est pas facile cette situation-là. Mais quand il y a de la souffrance, l'attention est donnée vers l'extérieur. Qui est-ce qui souffre? C'est vide. C'est vide. C'est juste une idée qui souffre à propos d'autres idées, que les choses devraient être différentes. C'est l'opportunité parfaite pour toi de découvrir l'espace qui a aucune tâche, qui ne peut pas être affectée par aucune des situations qui se présentent dans ta vie. Aurais-tu une vision sur ce que mon personnage vit? C'est pour le moment impossible de faire comme si j'étais pas humaine. C'est pas à propos de pas être humaine. C'est à propos de réaliser qu'on n'est pas que cette partie-là humaine. Je continue à avoir des émotions, je continue à avoir des pensées, sauf que au lieu d'être comme ça, c'est comme ça. C'est qu'une partie. C'est juste une projection sur la toile qui est blanche et pure, parfaite, qui ne change pas. C'est pas à propos de croire qu'on est la toile puis qu'on n'est pas ça, mais que de voir qu'on est cela et que ça n'est qu'une projection. Pas que le croire. Et initialement, le croire pour se donner l'inspiration, pour faire l'introspection, pour en venir à l'expérience directe. C'est seulement ça l'utilité de la croyance initiale. Je suis avec toi, Nadia. Et puis, continue à écouter ces vidéos-là. Ça va t'inspirer. Et puis, ce message-là, pour moi, je l'ai entendu des milliers de fois. Pour m'inspirer à regarder dans la bonne direction. Donc, ce message-là est libérateur et puis, fais ta part, fais ta méditation, regarde et observe. Sois observatrice de ta vie plutôt que l'actrice de ta vie. Et puis, tu vas voir que les choses vont se dérouler de façon beaucoup plus fluide. Namaste.